Chapitre 26e. Quaker, presbytérien, prédicateur méthodiste ambulant, marché, influence des femmes dans la société. Il ne m'était jamais arrivé, dans toutes mes courses, d'entrer dans un lieu destiné aux réunions religieuses de Quaker, et croyant ne pouvoir choisir un endroit plus convenable que Philadelphie pour y faire ma première visite, j'allais, sous la protection d'une quakeresse de mes amis, à la principale assemblée orthodoxe de cette secte. Le bâtiment est grand, mais sans le moindre ornement, et les hommes et les femmes étaient séparés par une balustrade qui divise le local en deux parties égales. La réunion était très nombreuse des deux côtés, et il y faisait une chaleur presque insupportable, tandis que les deux sexes entraient par leurs différentes portes. Je remarquai plusieurs jolies figures se montrant à demi sous le bonnet à la prude des femmes, et pendant que les hommes, couverts de leurs chapeaux à large bord, s'asseyaient, je me rappelai l'accueil que Parny suppose leur être préparé dans le ciel. « Entre donc et garde ton chapeau. » Les petits bonnets et les grands chapeaux se rangèrent en longue file, et la tranquillité fut longtemps si profonde que je pouvais à peine me persuader que les êtres qu'ils couvraient fussent vivants. Enfin, un homme à taille carrée et à air grave se leva, ôta son immense castor, et après un autre intervalle de silence solennel, poussa un profond soupir et prononça, comme par suite du même effort, « Prends garde à ton pied. » Il garda ensuite le silence pendant plusieurs minutes, et il continua alors à prononcer quelques mots à la fois, mais à un tel intervalle les uns des autres qu'il me fut impossible de saisir le sens de son discours s'il n'en avait aucun. Mon amie la quakeresse me dit qu'elle ne savait qui il était, et qu'elle regrettait beaucoup que j'eusse entendu un si pauvre prédicateur. Lorsqu'il eut terminé, un vieillard, médecin de profession, ayant l'air comme il faut, se leva et débita quelques phrases morales d'une manière agréable. Peu de temps après qu'il se fut rassis, toute la congrégation se leva pour sortir, je ne sais à quel signal. C'est un singulier genre de culte, si l'on peut appeler culte, puisque toute prière est défendue. Cependant, il me parut que sa tranquillité décente était infiniment préférable à ce que j'avais vu dans les chapelles des presbytériens et des méthodistes. Un schisme avait lieu depuis peu entre les quakers de Philadelphie, un grand nombre d'entre eux trouvant la discipline des orthodoxes trop stricte. Parmi ceux qui s'en sont séparés, on remarque aussi plusieurs nuances d'opinions différentes. J'en vis qui se nommaient quakers unitaires, d'autres se disaient hixites, et il y en avait encore d'autres qui, quoique conservant le costume des quakers, passaient pour être déistes. Nous allâmes voir plusieurs églises et plusieurs chapelles de cette ville, mais nous n'en vîmes aucune à qui l'on eût voulu donner ailleurs l'épithète de belle, soit intérieurement, soit à l'extérieur. J'allais un soir, ce n'était pas un dimanche, avec quelques dames, voir l'installation d'un ministre presbytérien. La cérémonie fut lamentablement longue, et l'on fit au jeune homme des injonctions auxquelles il lui était impossible d'obéir, du moins si c'était un homme semblable aux autres. Ce fut avec surprise que je vis l'attention profonde et la patience infatigable dont firent preuve plusieurs centaines de jeunes et jolies filles qui s'y trouvaient, pour ne rien dire des vieilles femmes, en assistant jusqu'au bout à cette cérémonie fastidieuse. Assurément, il n'existe aucun pays dans le monde où la religion forme une si grande partie des amusements et des occupations des femmes. L'Espagne, dans son temps le plus catholique, ne pouvait aller au-delà. D'ailleurs, en dépit des sombres horreurs de l'Inquisition, la gaieté et le plaisir n'y étaient pas offerts en sacrifice par la jeunesse et la beauté. La sévérité religieuse des mœurs de Philadelphie ne se montre en rien d'une manière plus remarquable que par le nombre de chaînes comptant le dimanche dans les rues de cette ville pour empêcher les chevaux et les voitures d'y passer. Je ne prétends pas deviner ce que les hommes font ce jour-là à Philadelphie, mais les femmes qu'on voit dans les églises sont en immense majorité. Les quakers forment une grande partie de la population de cette ville, mais il existe la même variété de croyances religieuses que dans les autres parties de l'Union, et les prêtres, dans certains cercles, jouissent de l'influence sans borne dont j'ai déjà parlé ailleurs. On m'a rapporté une histoire qui offre un tableau terrible des effets que cette influence peut produire. Elle m'a été racontée par ma couturière, jeune femme très estimable comme épouse et comme mère, et sur la véracité de laquelle je puis compter en toute assurance. Elle me dit que son père était veuf, et demeurait avec ses trois filles à Philadelphie. Peu de temps avant qu'elle se mariât, un prédicateur ambulant arriva dans cette ville et parvint à se faire recevoir sur le pied de l'intimité dans plusieurs familles respectables. Celle de son père était du nombre, et il obtint beaucoup d'influence et d'autorité sur les trois sœurs, particulièrement sur la plus jeune. Les sentiments que celle-ci avait conçus pour lui semblent avoir été un curieux mélange de terreur spirituelle et d'affection terrestre. Quand ses sœurs lui donnèrent à entendre qu'elle ne devait pas lui accorder trop d'encouragement avant qu'il se fût déclaré, elle leur montra un saint ressentiment, comme si elle lui eût recommandé de ne pas dire ses prières avec trop de dévotion. Enfin, le père remarqua la sorte de passion cachée qui brillait dans les yeux du saint homme, et il vit aussi le teint pâle de sa jeune fille et l'air d'inquiétude qui régnait sur son front. Soit d'après ce motif, soit par suite de quelques propos qu'il avait entendus, soit pour ces deux raisons réunies, il défendit sa porte au révérend. Les trois filles étaient présentes quand il lui intima cette défense, et toutes s'écrièrent « Oh, mon père !» Mais le vieillard ajouta d'un ton ferme « Si vous vous remontrez, monsieur, je vous apprendrai le chemin pour sortir non seulement de ma maison, mais même de la ville. » Le prédicateur sortira, et peu de temps après, on n'en entendit plus parler dans Philadelphie. Mais, quand quelques mois se furent écoulés, des bruits étranges commencèrent à circuler dans le cercle qu'il avait honorablement accueilli, et avec le temps, non moins de 7 malheureuses filles donnèrent des preuves vivantes de la sagesse du père des trois sœurs dont je viens de parler. Pour garantie de cette abominable histoire, je ne puis que répéter ce que j'ai dit plusieurs fois. Je rapporte le fait tel qu'il m'a été raconté, mais je dois ajouter en toute sincérité que je n'ai aucun doute qu'il ne soit vrai. On m'invita à aller voir le marché de Philadelphie à l'heure où il présente la scène la plus animée. Je le fis, et certes, j'ai vu peu de spectacles plus curieux. C'est véritablement la perle des marchés, le beau idéal que désirerait une bonne ménagère qui ne voudrait confier à personne les fonctions importantes de pourvoyeur. Tout est frais et propre, rien de désagréable n'offense la vue ou l'odorat. Il faut le voir pour le croire. Les étaux étaient couverts de linge blanc comme la neige. Les fleurs et les fruits, sans égaler peut-être ceux de Paris et de Londres, étaient brillants, frais et parfumés. Des légumes de toute espèce et dans la plus grande abondance étaient étalés au regard de la manière la plus agréable et faisaient pardonner et oublier des objets moins faits pour plaire. La laiterie, le poulailler, la forêt, la rivière, l'océan y apportaient leur tribut. En un mot, pour la première fois de ma vie, je pensais qu'un marché était une belle chose. Les prix de la plupart des denrées, autant que je puis calculer la valeur relative des dollars et des francs, étaient à peu près les mêmes qu'à Paris, certainement beaucoup moins chers qu'à Londres, mais plus chers qu'à Exeter. Mes lettres de recommandation me firent connaître plusieurs personnes aimables et intéressantes. Il y a dans les manières de Philadelphie quelque chose qui me plaisait, et il me sembla que le ton y était moins affecté qu'ailleurs. Il règne dans les salons de cette ville un calme et une tranquillité qui caractérise parfaitement une cité fondée par William Penn. Le costume des dames, même de celles qui n'appartiennent pas à la secte des Quakers, s'en ressent également. On y remarque la propreté la plus élégante, et les jeunes personnes y sont mises avec une délicatesse et un goût qui pourraient servir de modèle dans tous les États-Unis. À peine peut-il exister un contraste plus frappant entre deux villes en fait de costume qu'entre Baltimore et Philadelphie. Il est dispendieux dans l'une comme dans l'autre, mais dans la première, il se distingue par une splendeur recherchée et dans la seconde par une simplicité élégante. On dit que cette ville contient plusieurs personnes distinguées par leurs connaissances scientifiques. J'ai conversé avec plusieurs hommes instruits et intelligents, mais la froideur et la sécheresse de leur manière, et le peu d'intérêt qu'ils semblent prendre au sujet qu'ils discutent, dépouillent selon moi la conversation de tous ses charmes. Un jour, j'entendis une discussion sur le caractère et la situation d'un officier illustre qui avait servi avec gloire sous Napoléon et à qui sa haute réputation aura pu valoir la faveur des Bourbons s'il avait voulu renoncer aux principes qu'il portait à ne pas aimer leur gouvernement. Cet homme distingué s'était retiré en Amérique après la mort de son maître et il cherchait à établir une sorte d'école polytechnique à New York. Je dis, en parlant de lui, que son dévouement à la cause de la liberté devait être une forte recommandation dans les États-Unis. « Pas le moins du monde, madame, » répondit un homme qui occupait avec justice un des plus hauts rangs parmi les littératis de la ville. cela pourrait lui être fort utile en Angleterre, mais ici, nous nous mettons fort peu en peine des principes d'un homme. Je crois que c'est l'exacte vérité, quoique je ne l'eusse jamais auparavant entendu avouer comme un trait national. Le manque d'intérêt, de chaleur, de sensibilité, à l'égard de tout ce qui ne les touche pas immédiatement, est universel parmi les Américains, et il en résulte un effet qui paralyse la conversation. Tout l'enthousiasme de l'Amérique se concentre sur le seul point de son émancipation et de son indépendance. Sur ce sujet, rien ne peut excéder la chaleur de leurs sentiments. On peut, je crois, comparer ce pays à une nouvelle mariée, une sorte de Mrs. Major Wardle. Son indépendance est pour elle un époux nouvellement obtenu. Ce n'est que pour lui qu'elle a des yeux, des oreilles et un cœur. Le mois de miel n'est pas encore passé. Quand il le sera, l'Amérique apprendra peut-être à avoir plus de coquetterie et saura mieux comment faire l'aimable à l'égard des autres nations. Je crois qu'aucun lieu dans le monde ne peut fournir une preuve aussi frappante que les États-Unis de l'influence des habitudes littéraires, non seulement pour agrandir l'esprit, mais encore pour polir les mœurs. Pendant mon séjour dans ce pays, je n'ai jamais rencontré un littérateur qui mâcha du tabac et qui but du whisky, et en même temps, je n'ai jamais vu personne qui ne le fût pas et qui eût échappé à ses habitudes dégradantes. L'influence des lettres sur les femmes est, s'il est possible, encore plus grande. Malheureusement, ces exemples sont rares, mais on peut en trouver. Il en existe un admirable dans la personne d'une jeune demoiselle de Cincinnati. Entourée d'une société entièrement incapable de l'apprécier et même de la comprendre, elle y tient sa place avec autant de simplicité, avec aussi peu d'affectation que si elle faisait partie de la même espèce. Jeune, belle, douée par la nature d'un esprit plein de discernement et de pénétration, elle a trouvé l'occasion de le cultiver de telle sorte qu'elle se ferait distinguer dans quelque pays que ce fût. Je parle de cette espèce de culture, la meilleure de toutes, qui ne se trouve que dans les habitudes domestiques de la littérature et dans cette éducation journalière que la fille d'un homme de lettres reçoit quand elle devient la compagne et l'amie de son père. Cette jeune personne est d'autant plus admirable que ses travaux intellectuels ne l'empêchent pas d'accomplir les devoirs multipliés dont les dames sont ordinairement chargées en Amérique. Elle est la compagne et l'aide utile de son père dans tous ses travaux littéraires. Elle prend part avec activité à toutes les occupations domestiques de sa mère. Elle prend soin d'une sœur encore toute jeune et d'une santé délicate, dont la garde-robe, toujours élégante, est l'ouvrage de ses mains. Toujours de loisir, elle est sans cesse prête à recevoir avec le plus doux enjouement ses connaissances nombreuses, la plus animée dans la conversation, la plus infatigable dans toutes ses occupations. Il était impossible de la connaître et d'étudier son caractère, sans sentir que de telles femmes sont la gloire de tous les pays. Et si la race s'en multipliait, elles introduiraient bientôt une réforme dans l'ignorance et la grossièreté qui dégradent maintenant leur patrie. Peut-on s'imaginer que si une cinquantaine de femmes semblables à cette jeune personne charmante se trouvaient dans une compagnie, les hommes oseraient s'y présenter la tête échauffée par le whisky, les lèvres noircies par le tabac et convaincues au fond du cœur et de l'âme que les femmes ne sont faites que pour faire des confitures et du pain d'épices, coudre des chemises, raccommoder des bas et devenir peut-être mère de quelque président? Certainement non. Si les Américaines découvrent jamais quel pourrait être leur pouvoir et qu'elles le comparassent à celui dont elles jouissent, on pourrait espérer beaucoup d'améliorations. Pendant que j'étais à Philadelphie, au milieu des femmes les plus belles, les plus riches et les plus distinguées du pays, mon esprit fut fortement frappé de leur peu d'influence sur la société, en comparaison de celle que possèdent en Europe les femmes qui occupent le même rang. Qu'il me soit permis de tracer le tableau de la journée d'une grande dame de Philadelphie de la première classe, on comprendra mieux la conséquence que je désire en tirer. On peut me dire que le trait le plus important de l'histoire d'une femme est la maternité, c'est la vérité. Mais il s'agit ici de l'influence sociale des femmes et non de leur vie domestique. Cette dame sera l'épouse d'un sénateur, d'un homme de loi jouissant de la plus haute considération et fort occupé dans sa profession. Elle a une fort belle maison, dans laquelle on entre par des degrés en marbre et dont la porte est ornée d'un marteau d'argent. Elle a de beaux salons fort bien meublés, dans l'un desquels est un très beau buffet couvert de belles carafes et de beaux verres de cristal taillé. Elle a un très bel équipage et un très beau cocher nègre. Elle est toujours très bien mise et par-dessus tout, elle est elle-même fort belle. Elle se lève et sa première heure se passe à faire scrupuleusement sa toilette. Elle descend dans sa salle à manger, propre, raide et silencieuse. Son déjeuner est servi par un laquais nègre de condition libre. Elle mange son jambon et son poisson salé et boit son café en silence, pendant que son mari lit un journal et appuie son coude sur un autre. Alors peut-être lave-t-elle les tasses et les soucoupes. Son équipage est ordonné pour 11 heures. Jusqu'à ce moment, elle s'occupe dans son office et préside à la pâtisserie, un tablier blanc comme la neige protégeant sa robe de soie gris de souris. 20 minutes avant que son carreau soit amené à sa porte, elle se retire dans sa chambre, secoue et plie son tablier encore aussi blanc que la neige, voit si rien ne manque à son ajustement, met avec un grand soin son élégant chapeau et tous les etc. de sa parure. Alors elle descend précisément à l'instant où son cocher, nègre et libre, annonce à son laquais, aussi nègre et libre, que l'équipage est prêt. Elle monte en voiture et ordonne qu'on la conduise à la société des Dorcas. Le laquais reste à la maison pour nettoyer les couteaux. Mais le cocher peut se fier à ses chevaux tandis qu'il ouvre la portière. Et sa maîtresse n'étant pas accoutumée à ce qu'on lui présente la main ou le bras, descend sans aucun embarras, quoiqu'elle ait un sac à ouvrage suspendu à l'un de ses bras, et sous l'autre un gros paquet de toutes ces bagatelles indescriptibles que les dames portent en offrande aux sociétés de Dorcas. Elle entre dans la salle destinée à la réunion, et elle y prend place au milieu de 7 autres dames, mises à peu près comme elle. Elle présente sa contribution, qui est accueillie à la ronde par un doux sourire, et ses rognures de drap, ses bouts de ruban, son papier doré et ses petites épingles sont ajoutés aux rognures de drap, aux bouts de ruban, au papier doré et aux petites épingles dont la table est déjà couverte. Elle tire ensuite de son sac à ouvrage 3 pelotes à épingles, 4 essuie-plumes, 7 allumettes de papier et un porte-montre en carton. Ses dons sont reçus avec de grandes acclamations et la plus jeune des dames les dépose avec soin sur des tablettes au milieu d'une quantité prodigieuse d'objets semblables. Elle prend ensuite son dé et demande de l'ouvrage. On lui en donne, et les 8 dames passent ensemble quelques heures à coudre. Pendant ce temps, la conversation roule sur des prêtres et des missions, sur le profit de la dernière vente faite par la société, et l'espoir qu'elle conçoive de la prochaine. Sur la question de savoir si c'est le jeune monsieur, tel ou tel, qui en recevra le produit, pour qu'il puisse s'équiper pour partir pour Liberia, sur le vilain chapeau qu'elles ont vu à l'église le dimanche matin, sur le beau prédicateur qui a prononcé un sermon le dimanche après-midi, et sur la quête considérable qu'on y a faite le dimanche soir. L'entretien dure jusqu'à 3 heures, alors la voiture revient à la porte, et la dame retourne chez elle, elle et son sac à ouvrage. Elle monte dans sa chambre, ôte avec soin son chapeau et toutes ses dépendances, met son tablier de soie noire à festons, entre dans la cuisine pour voir si tout est en ordre, passe dans la salle à manger, jette un coup d'œil attentif sur la table, s'assied et prend son aiguille en attendant son mari. Il arrive, lui prend la main, crache et se met à dîner. La conversation n'est pas animée et 10 minutes suffisent pour le repas. Les fruits et les taudis, le journal et le sac à ouvrage y succèdent. Dans la soirée, le mari, qui est un savant, se rend à la société de Whisfer et va ensuite faire un whist chez un voisin. La dame sert du thé à un jeune missionnaire et à 3 membres de la société des Dorcas, et ainsi se termine la journée. Pour une raison ou pour une autre, que les Anglais ne comprendront probablement pas, un grand nombre de jeunes gens mariés se mettent en pension à l'année, au lieu de tenir maison. On sent qu'il ne s'agit pas ici de personnes jouissant d'une grande fortune, mais je parle de gens à qui le rang qu'ils occupent dans la société rendrait impossible chez nous une nouvelle manière de vivre. Je puis à peine imaginer un moyen plus efficace d'assurer la nullité d'une femme que de l'épouser à 17 ans et de la mettre ensuite en pension, et je ne puis me figurer pour elle une vie d'un ennui plus uniforme. Au surplus, c'est affaire de goût. J'ai entendu bien des dames déclarer que n'avoir à s'occuper de rien, c'était ce qu'il y avait de plus agréable. Cependant, en dépit de ces assurances, j'ai toujours éprouvé un sentiment moitié de pitié, moitié de mépris, quand je contemplais leur manière d'exister. Comment une Anglaise supportera-t-elle une telle vie, elle dont la tête et le cœur sont pleins du projet favori, d'avoir une maison bien réglée pour faire les délices de son époux? Il faut que la femme qui est ainsi en pension se lève à temps pour arriver au déjeuner à l'heure précise fixée pour ce repas, où elle recevra une révérence glaciale de la dame qui y préside, trouvera son café froid et se passera d'eux. je me suis quelquefois amusé en ces occasions à voir une petite scène, dont le jeu muet en disait davantage que les paroles qui étaient prononcées. La dame, arrivant à jeun et trop tard, jette un coup d'œil sur la table, et voyant qu'il n'en reste plus deux, dit distinctement « Je prendrai un œuf, s'il vous plaît ». Mais comme cette phrase ne s'adresse à personne en particulier, personne n'y répond, à moins qu'il n'arrive que son mari soit venu avant elle, et alors il lui dit « Il n'y a plus d'œufs, ma chère ». La dame qui préside au déjeuner a évidemment l'air de ne rien entendre, et la gourmande qui a mangé deux œufs, car il y a toujours autant d'œufs que de nez, paraît trembler de peur d'être découverte. Le déjeuner se passe dans un sombre silence, si ce n'est qu'un perroquet ou un serin l'interrompt quelquefois par une note timide. Lorsqu'il est fini, les hommes se hâtent d'aller à leurs occupations. Les dames remontent tranquillement dans leur appartement, celle-ci au premier étage, celle-là au second, d'autres au troisième, en proportion inverse du nombre de dollars qu'elles payent, et rentrent dans la solitude de leur chambre. Ce qu'elles y font, c'est ce qui n'est pas très facile à dire, mais je crois qu'elles en pèsent un peu, repassent un peu, s'asseyent sur un fauteuil et travaillent beaucoup à l'aiguille. J'ai toujours remarqué que les dames qui étaient en pension portaient des collerettes et des jupons beaucoup plus ouvragés que les autres. La charrue est à peine un instrument plus indispensable en Amérique que l'aiguille. Sans elle, comment les femmes pourraient-elles vivre? Mais le temps et l'aiguille deviennent à charge pendant une longue matinée. Heureusement, la matinée des Américains n'est pas très longue, quoiqu'ils déjeunent à 8 heures. En général, c'est vers 2 heures que les pensionnaires des deux sexes se réunissent pour dîner. On parle peu, si ce n'est un chuchotement entre les couples mariés. Quelquefois, une triste bouteille de vin flanque l'assiette d'un ou deux convives, mais elle n'ajoute pas à la gaieté de la compagnie, et il est rare que celui à qui elle appartient se permette d'en boire plus d'un verre. Ce n'est pas là, et ce n'est pas alors qu'on voit boire les membres de l'Union américaine. Peu de temps, très peu de temps après, le repas silencieux est terminé. Et alors, si vous montez l'escalier après les convives, vous sentirez sortir, de la porte des appartements des épouses les plus affectueuses et les plus indulgentes, un fumet de cigare qui indique clairement la félicité dont jouit le couple qui s'y trouve. Si le mari est très poli, dès qu'il a fini de fumer son cigare et de boire son toddy, il offre le bras à sa femme et la conduit jusqu'au coin de la rue où se trouve son magasin ou son bureau. Et là, il la laisse libre d'aller où bon lui semblera. Comme c'est l'heure où elle est en grande parure, elle prend naturellement le chemin par où elle peut se mettre plus en vue. Peut-être fait-elle quelques visites. Peut-être bat-elle dans une chapelle. Peut-être entre-t-elle chez un marchand avec lequel son mari fait des affaires. Et se hasarde-t-elle à y faire quelque emplette. Alors, elle rentre chez elle. Non, chez elle, je ne puis employer cette expression-là en parlant d'une pension. Mais elle rentre dans l'atmosphère glaciale et pétrifiante qu'est son séjour inaccessible à l'hospitalité et où l'intérêt préside au lieu de l'affection. À l'heure du thé, nouvelle réunion générale, et un observateur attentif peut s'apercevoir de quelques petites tricheries dans la manière de partager le gâteau, etc. Ensuite, ceux qui sont assez heureux pour avoir quelque engagement se hâtent d'aller le remplir. Ceux qui n'ont reçu aucune invitation retournent dans leur chambre solitaire, ou, ce qui me paraît encore pire, restent dans le salon commun, dans une société qui n'est cimentée par aucun lien, qu'aucune liaison ne fait aimer, qui n'est pas réunie par le choix de ceux qui la composent, et que le plus léger motif pourrait rompre. Je remarquais que les hommes étaient obligés tous les soirs de sortir pour affaires, et j'avoue que cet arrangement ne me surprit pas. Ce n'est pas ainsi que les femmes peuvent obtenir dans la société l'influence dont elles jouissent en Europe, et à laquelle tous les philosophes et même tous les hommes du monde s'accordent à attribuer des effets si salutaires. C'est en vain qu'on forme pour les jeunes personnes des instituts collégiaux et qu'on leur confère des grades académiques. C'est après le mariage et quand ces essais précoces pour arriver aux sciences sont oubliés que se montre la nullité lamentable des Américaines, et jusqu'à ce qu'on y ait remédié, je prédis que le ton de leur salon ne se perfectionnera pas. Pendant que j'étais à Philadelphie, la situation de deux criminels, qui avaient volé la diligence de Baltimore et qui étaient condamnés à mort, fit une grande sensation. La peine capitale étant rarement infligée en Amérique, c'est toujours un événement qui produit un grand intérêt, et l'exécution qui s'approchait était souvent le sujet de la conversation à la table de la pension. Un jour, quelqu'un nous dit qu'on l'avait assuré dans la matinée qu'un des criminels avait déclaré au ministre qui était allé le voir qu'il était sûr d'avoir sa grâce, et rien de ce que celui-ci put lui dire ne réussit à lui persuader le contraire. Cette histoire fut répétée tous les jours à table, et l'on y fit bien des commentaires. Mais ce bruit partait de tant de sources différentes qu'on commença à y croire, et qu'on supposa même que l'espoir du coupable n'était pas sans quelque fondement. J'appris dans ces conversations journalières que l'un des condamnés était américain et l'autre irlandais, et que c'était le premier qui était si fortement persuadé qu'il ne serait pas pendu. Plusieurs personnes qui étaient à table déclarèrent en discutant ce sujet que si l'un était pendu et que l'autre eut sa grâce, ce serait un meurtre et non une exécution. Dans le cours de cette discussion, on dit que presque tous les hommes blancs qui avaient subi la peine de mort depuis la déclaration d'indépendance avaient été des Irlandais. Je n'ai pas le moyen de m'assurer jusqu'à quel point cette assertion générale peut être vraie. Tout ce que je sais, c'est que je l'ai entendu dire. Quoi qu'il en soit, le fait est qu'en cette occasion, l'Irlandais fut pendu et que l'Américain ne le fut pas.